بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ إن شاء الله تعالى هذه الرسالة أو نلخص، نقرأ بعض الفقرات فقط. هذه الرسائل نصيحة الإخوان لعبد الرحمن مرعي لفضيلة الشيخ المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Cette رسالة نحن والله الحمد لله étudié la رسالة de Cheikh Saïd الدعاس اليافعي رحمه الله تعالى البرهان المنقول. Il nous a démontré les usul que Abd al-Rahman al-Adani la khalif et pourquoi Cheikh Yahya waffaqahu Allah wa saddada khutah limadha hakama alayhi bil hizbiyya. On a vu les usul qu'il a khalif. Asl al-ijtima', asl al-wala wal bara' ad-dayyiq wa asl nusrat al-haq wa ahlih. Ces usul qu'il a khalif, on a vu en détail avec l'adilla, les témoignages ila akhirih. Et on avait dit aux frères qu'on allait lire là une des premières nasihah de Cheikh Yahya waffaqahu Allah, pour démontrer que Cheikh Yahya n'a pas ta'ajjal comme certaines personnes elles pensent. Anna Cheikh Yahya s'est précipité, il n'a pas eu de douceur. Nahnu al'an sanaqra hadhihi ar-risala pour démontrer ou une partie faqat inshaallah en un cours si on peut, pour démontrer que wa'd an-nas dans un kalam il n'est pas fait mawdi'. ربما واحد يغند dans cette fitna des années après et il sait même pas ربما que cette risala elle existe. Il sait même pas ce que Cheikh Yahya il a dit au départ. فهو يغند في هذا et il dit Cheikh Yahya il a pas de hikma, il se précipite. نحن le but c'est هذا. Pour compléter كذلك la risala qu'on a lu. لأن نحن dès qu'on a lu le Burhan al-Manqul, on a conclu أن Cheikh Yahya حكم على الرجل الحزبية et من المناسب هنا c'est qu'on lit Kalam Cheikh Yahya bin Nas, comment il parlait, comment il conseillait Abd al-Rahman au départ. Thumma ar-rajul, il a rejeté le nasiha, comme il a rejeté celle des mashayikh. Quand ils lui ont dit d'arrêter tasjil, quand ils lui ont dit certaines choses, ça y est, il a rejeté risalat nasiha de Cheikh Yahya, nasahahu lillah. Vous allez voir un Kalam tayyib. Thumma, la fitna elle s'amplifie, va Cheikh Hakama Ali. Un hukm munasif en haqiqa. Ma zalama. On a vu nous le usul qu'il a khalif, la shidda, al furqa, al ta'an, al hajr. En haqiqa, al hukm il est à sa place. Celui qui veut le ilm, qui veut le haq, inshallah, si il revient aux sources de la fitna, les écrits, les audios, thumma ce hukm bil hizbiyya, inshallah, il comprendra le kalam il est famoubi. Il n'y a pas de roulou, walillah alhamd, il n'y a pas de shidda. Bala al-rajul, il s'est fait du mal lui-même, Abd al-Rahman. Il aurait accepté fil bidaya, vous allez voir le kalam tayyib. Walla, tu n'es pas d'accord, montre. Amma hajr wa ta'an wa sab, ala yamfa. C'est ça le but, on voulait lire un aperçu de cette risala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yamfa biha al-muslimin. Qala Cheikh Yahya, hafidahullah. هذه نصيحة طيبة لنا جميعا امتثالا لأمر ربنا سبحانه القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنعمة الأخوة نعمة عظيمة. نعم الشيخ يحيى يكمل ست نصيحة إلى في عبد الرحمن il lui rappelle ce verset, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك il lui montre que l'أخوة c'est une نعمة. عبد الرحمن il était à Dammaj, les frères ils le respectaient, الشيخ يحيى le respectait, les mashaykh ils le respectaient كما سيأتي. Ils étaient dans cette ni'ma. Tout le monde, il s'est passé ce qui s'est passé. Tafarruq, qui c'est avec nous, qui c'est contre nous. Tu t'es rapproché de Cheikh Yahya, t'as changé. Hajr li foula. Cheikh Yahya, l'an, yudhakiruhu billah. N'oublie pas cette ni'ma que Allah t'a donné. Ni'mat al-ukhuwa. Qala wa ahli sunna dhahaw min ajli sunna. Dhahaw, ça vient de al-tadhiyah, sacrifice. Ils ont sacrifié kathiran. À l'époque de Cheikh Mokbili, après. Qala wa al-istiqam alayha. والمنهج الحق بكل ظالي ورخيص خاصة في دمج أنهم ils ont délaissé beaucoup de choses, des sacrifices pour العلم, pour الأخوة, pour الدعوة. الآن شيخ يحيى rappelle toutes ces années عبد الرحمن. قال منهم من ضحى بأخيه يعني أنه فارق صحيح كم من الطلاب إذا تأ دمج ils ont délaissé بل plus que leurs frères, leurs parents. قال ومنهم من ترك بعض أرحامه. نعم هذا vous l'avez vécu أنتم. قال من أجل السنة. rien d'autre. il y avait pas d'argent, il y avait pas de diplôme, il y avait pas de une place. أبدا. tout ça لدين الله عز وجل. قال والثبات عليها والحق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعلى أهل السنة وفقهم الله أن ينتبهوا لما علموه وحفظوه ودرسوه وتقرر ووقر في قلوبهم من أهمية ذلك. premièrement شيخ يحيى rappelle aux طلاب هذا cette نعمة que ce soit dommage ou autre. نحن cite l'exemple de dommage لأن la fitna elle a commencé هناك. أما que ce soit dommage ou autre cette نعمة, نعمة العلم, نعمة الدروس, نعمة الأخوة, la personne il fait attention de préserver هذا. si tu préserves pas ربما cette نعمة elle part. ثم قال الشيخ يحيى on résume نحن طبعا on lit pas tout. أخونا عبد الرحمن أي العدني شوف الآن على أدب. il a pas dit حزبي, il a pas dit منحرف, il a أخونا لأن on est au départ et il le conseille لعل الرجل revient. أخونا عبد الرحمن نسأل الله لنا وله التوفيق. il lui fait الدعاء. والله إنني كثير وقال شيخ يحيى والله إنني وكثير من الإخوان رأينا منه تغيرا والله رأينا منه تغيرا. شوف بريف et il lui montre, il lui fait الدعاء et شيخ يحيى il dit clairement on a vu un changement. الرجل تغير فمن حقه الآن لأن عبد الرحمن il fait partie des élèves de شيخ يحيى des années après شيخ مقبل il était à Dammaj et tous ceux qui étaient à Dammaj après شيخ مقبل c'est des élèves de شيخ يحيى لأن c'est lui Cheikh Mokbi lui a donné la responsabilité du marquis. Al-An, il veut son bien. Il démontre annahu taghayyar. Il a changé et il va démontrer les points qu'on a vu fi al-Burhan al-Maqul. Qala ra'ayna minhu taghayyuran wallahi ra'ayna minhu taghayyuran nas'alu Allah an yuwaffiqana wa iyyah. Deuxième dua. Deuxième dua. Wala yajuz ba'd an-nas tout ça il le délaisse. Cheikh Yahya il a pas de hikma. Cheikh Yahya se précipite. Cheikh Yahya il a été dur. يا أخي reviens au كلام, reviens au واقع. أما tu prends à la fin après tout ce qui s'est passé et تحكم لا لا يجوز. الإنصاف الإنصاف si tu veux comprendre cette fitna du début et tu comprendras à la fin بإذن الله عز وجل. قال هذا التغير في أمور منها. الآن il va citer ce qui s'est passé, نحن on l'a cité en détail في البرهان المنقول. قال إنني كنت أطلب منه طلبا يا أبا عبد الله. أبو عبد الله سي عبد الرحمن العدني سي ساكنية سا مدخل الاحترام الاحترام العلماء السلف quand ils respectaient une personne ils l'appellent par ساكنية. ils appelaient souvent l'imam أحمد يا أبا عبد الله. ils l'appelaient pas يا أحمد هكذا يا أبا عبد الله. سا مدخل الاحترام. فالآن يقول له يا أبا عبد الله تكلم مع إخوانك فيقول تعذرني يعتذر. نعم souvent شيخ يحيى dans des choses, ça soit fitnat Saleh al-Bakri ou fitnat Abil Hassan, il demandait à Abdurrahman al-Adani de participer avec ses frères, d'aider ses frères. Parle, t'akallam, écrit. Abd al-Rahman il disait ta'adiruni. Excuse-moi, il a des excuses. Le Cheikh Yahya, il le laisse. قال ويأبى أن يتكلم لا خطابة ولا كلمة وأقول أي شيخ يحيى جزاء الحمد لله هو على خير même si c'est الحمد لله il est على خير لكن le mieux c'est qu'il participe il a ses frères لكن هو il avait des excuses خاصة la maladie il était malade الشيخ يحيى il acceptait cette excuse et il disait الحمد لله il est على خير قال سواء تكلم أو لم يتكلم يقوم بواجب في قدر ما يستطيعه نعم الشيخ يحيى il disait هذا. Il parle ou il parle pas, Inch'Allah, il est à la khair. Et il fait des efforts, il donnait des doros sur le Majid al-Mazra'a. Lakin, sa maladie, souvent, il n'arrivait pas à finir. Le Cheikh Yahya, il lui trouvait ses excuses. قال وإخوانه يحترمون ويكرمون ويجلون. Et ça, c'est une ni'ma. Le Cheikh Yahya, il dit, الرجل اللي على خير. Ou là aussi, il parle pas. Il fait quelques doros, ses frères, ils le respectent. Ses frères, ils lui posent des questions. Inch'Allah, l'amri est tayyi. Ou là aussi, il parle pas. قال وفي الآونة الأخيرة بدلا من أنه كان يتعاون معنا ويأبى يجري جريا من هنا إلى هنا ثم quand la fitna a commencé suivez un tome الآن أنه il voulait pas parler pas de khutba pas de durus إلا قليل خروج الدعوة il sortait pas à la fin الآن أو نعم à la fin au début de la fitna نحن dans notre مسألة الرجل تغير Huna, il a Huna, il commence à sortir, il commence à parler. C'est ce tarayur que Cheikh Yahya parle. Comme moi, ça va finir, qui c'est qu'avec nous, qui c'est qui contre nous, délaisser Foulan. L'imad a ce changement. Une personne malade, il était à la khair, avec ses frères, il le respectait. Tout le monde, du jour au lendemain, ce changement. Et n'oubliez pas qu'Abd al-Rahman al-Adani lui-même, il a accepté ça. Il a dit, après la fitna de Salih al-Bakri, des personnes sont venues me voir et ils m'ont dit, Qum anta. الآن قام كذلك أن عبد الله الفوزان المنحرف الجيزاني كما نشرح في البرهان المنقول عبد الله الفوزان وغيبت سبا الشيخ صالح أبدا الشيخ صالح سانسابن السنة أما هذا عبد الله نطق الجيزاني sont venus à دمشق pour rencontrer عبد الرحمن العدني alors que c'est des حزب معروفين في اليمن وفي غير اليمن قال يعني حركة سريعة جريا من مكان إلى مكان خلاف ذلك الهدوء والسكينة التي رأيناها قبل le changement الآن سكينة هدوء la personne elle était sage et il avait du hudu du respect pour ses frères الآن un changement brusque et شدة et هجر et طعن comme on a vu في البرهان المنقول إلى أن قال نلخصه قال وفي ال أو قرأنا قال وأيضا كنا نطلب منه فما يرضى ثم بعد ذلك بعد الآونة الأخيرة شيء جديد عبارة عن مسابقة بينه وبين إخوانه أهل السنة نعم ثم تغير الرجل et commence à vouloir prendre le masjid Qui c'est qui est avec nous a commencé à faire des groupes. Comment c'est passé à Dammad قال من يأخذ الأكثر من الناس من يكون عنده الحصيلة والتجميع حول 2000 3000 4000 سجل فلان كذا هكذا مكاثرة ça on l'a vu en détail في البرهان المقول مسألة التسجيل commencer à enregistrer des personnes un nouveau marqueur qui c'est qui est avec nous qui c'est qui est contre nous est-ce qu'on va être 2000 3000 4000 voilà هذا سكومونس لا ديفيزيون اون لا في في الاصل الاول الاجتماع قال المنهج واحد والدعوه واحده كلام الشيخ يحيى لسنا بحاجه الى هذه المكاثره نعم tu veux faire un marquez comme il y a déjà démontré cheikh tu fais ton marquez et cheikh yahya t'aide les autres machaykh t'aide celui qui veut aller dans ton marquez il va celui qui veut rester à demain je reste ça l'essentiel c'est qu'on reste مع أهل السنة أما enregistré secrètement t'es avec nous ou t'es contre nous c'est ça le hizbiya là on est tous des frères لهذا قال شيخ يحيى المنهج واحد que ça soit dans ton marquez ou à Dammaj l'amr sahl بل c'est très bien عبد الرحمن العدني que طلب العلم à Dammaj c'est أنفع il y a plus de facilité le climat il n'y a pas de fitan tout est en place les modernistes la plupart ils sont là-bas ils le savent ou هذا Il le sait très bien, Abdurrahman al-Adani. Il sait très bien qu'un nouveau marquez, ça ne sera jamais comme un marquez qui a été fondé depuis 40 ans. Il le sait, Hada. Il n'y a qu'une fitna, sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أنني لاحظت هذا الشيء وبعض الإخوان أيضا فطلب منه والمشايخ أن يقوم فينكر هذا الشيء. نعم. On l'a vu, Hadad, dès qu'on a lu la petite risala, la position des mashayikhs par rapport à cette fitna. Ils lui ont dit, la fitna elle est sortie de sous tes pieds, c'est une bakriya jadida, le responsable c'est toi. Bel Shir Saoumali, il a dit mudbir. Ils l'ont conseillé, et il a jamais démontré son khata. Et ils l'ont conseillé par rapport au tajjil. Arrête le tajjil, ça fait de la furqa. Lakin, il a continué jusqu'à que le marquise il a été ouvert. Qala falam yaf'al. فلم يفعل نعم il a pas accepté, il a pas appliqué cette nasiha. قال ولم يفعل وهو راضي به مرتاح له. Et ça montre أن الرجل s'il aurait pas voulu ce tasjil, il aurait pas voulu ce furqa, il aurait pu parler. Il aurait pu parler comme on l'a expliqué. On avait détaillé fil burhan al-manqul. Ça montre, vu qu'il a la qudra, il peut parler, démontrer et il se tait, ça montre qu'il a accepté ce furqa. Et c'est ça le asl qu'il a khalif à l'ijtima. قال Cheikh Yahya al-An, il va rapporter une parole importante de Abdurrahman al-Adai. Marra, Cheikh Yahya l'ansah. Il l'ansah au début de la fitna. Cette risala est autre. Et Abdurrahman lui a répondu, faqal, et Abdurrahman al-Adai, wa amma hadha ya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, c'est Cheikh Yahya. Et Abu Abdullah, c'est Abdurrahman al-Adai. Qala, wa amma hadha ya Abu Abdurrahman, fa innakum tandirun, ou tandirun, man huwa al-sabab. Quand Cheikh Yahya l'a conseillé sur ce furqa, et les mashayikhs l'ont conseillé sur cette furqa, tasjil, lahidhu, il n'a pas nukar. Il n'a pas dit là. Il a dit, regardez ce qui se sabab. Il sait très bien qu'il y a de la furqa. Et il accepte. Il n'aurait pas accepté. Il aurait dit là, il faut qu'on fasse tout pour l'arrêter. Quiconque, n'importe qui, ou al-sabab, ça soit foulain ou allah. Lakin, ta'ammal son qawl. Fa innakum tandurun man huwa al-sabab. Regardez ce qui se sabab. Lui veut le sabab, c'est Cheikh Yahya. Qal al-Sheikh Yahya, ya'ni. أنا السبب أي شيخ يحيى السبب يعني لماذا ينفر أو ينفر الإخوان وكذلك أيضا يكونون عصبية قال أنا السبب أي lui veut شيخ يحيى السبب طيب معناه أنك راضي بهذا صحيح ça montre même si c'est شيخ يحيى السبب ça montre qu'il est راضي لأنه il a pas dit là il faut arrêter cette furqa. نعم نحن on a démontré ce qui est السبب c'est qui a voulu ouvrir un marqué c'est شيخ يحيى. Qui c'est qui a enregistré des noms secrètement? C'est Cheikh Yahya. Qui c'est qui a dit, qui c'est qui a avec nous? Aden, Ahadchid, Asana, Ahadramoud, c'est Cheikh Yahya. Qui c'est qui venait pas au Durus? Et dans des maisons, dans les montagnes, dans des champs, et des rassemblements, et Fulan il a dit, Fulan il n'a pas dit, c'est Cheikh Yahya. Là, le haq c'est haq. Et ceux qui étaient à Damma, j'ai arrêté ça. Qala, Cheikh Yahya, ma taqoul? Ma taqoul? Ana lesturadin bihada. أنا لا أكره هذا النفور ولا أرضى بالفرقة أينما كانت ولو افترقتنا تأكدا لذلك. نعم شيخ حالي يقول لماذا تجيب أنغجت لفرقة أصلا السبب سفونا أو علان يسفي كونسي لكن أنفي توس دي زفور بو غجت الفرقة لا شيخ حالي كما قال ولو سيس عطخو دفخة مثلا دفخة يوزا بروبلم واحد يبلي كونسي يعني نطري بيان يدي لا السبب سفلان يا أخي أون لي كونسي. Et Inch'Allah, si le sabab c'est Foulan, on le conseille. Là, Allah il revient et le but c'est d'arrêter cette furqa. Hada. Amma se taire et le sabab c'est Foulan. Les madalan, il ne conseille pas Cheikh Yahya. Les madalan, il n'est pas parti voir Cheikh Yahya pour lui dire Ya Cheikh, c'est toi le sabab, arrête de faire telle chose. Les madalan. Au contraire, c'est Riya jusqu'à il est sorti, jusqu'à aujourd'hui. Voilà la siha, voilà kalam. Abadan. Qala Cheikh Yahya, tayyib. هو مع إخوانه الذي يكون عندي وبين يدي ما هو مع إخوانه وإن أخا يسمع هو الآن يسمع وأنا أراه أخبرنا أنه يقول له أنت إنما تغيرت من قريب بعد أن قربت من يحيى الشيخ يحيى الآن يتمون يجي أن فخير إذا لا سيز الآن pendant que الشيخ يحيى parle يجي أنا je le vois الآن il a rapporté à الشيخ يحيى وعبد الرحمن العدني lui a dit نحن aussi c'est كمال العدني dans le Burhan al-Maqul comme al-Adni كذلك Cheikh Saïd كذلك Abdullah Jahdari tout cela on a étudié la mas'ala en détail ils ont rapporté vu qu'ils ont été proches de Cheikh Yahya Abdurrahman al-Adni les a délaissés لماذا لأنه vous êtes proches de l'Hajouri c'est ça le din c'est ça le furqa al-An est-ce que Cheikh Yahya al-An s'il a une erreur montre-lui écrit sauf Cheikh Yahya al-An un autre jour ils ont recopié des pages, une dizaine de pages. Nasiha lak. Limada huwa yfabad nasiha. Lianna ar-rajul, il veut que ça se divise. Il a un but, il veut un nouveau marquez, il veut prendre plus de monde pour qu'il délaisse Dar al-Hadith et al-Qa'im ala Dar al-Hadith, Cheikh Yahya. Lakin abadan, abadan, alhamdulillah, Dar al-Hadith jusqu'au dernier jour, elle était pleine. Elle était pleine et Inch'Allah, le nouveau marquez, on espère du khayr, dit-on. Et voilà où c'est pas plein, voilà où il n'y a pas beaucoup de monde. Al-Mas'ala, c'est tant que c'est al-Haq. Lakin nahnu, on démontre que Dar al-Hadith, c'était plein et bi-Haq. Walillah il-Hamd. Amma, voilà où c'est pas plein. Tant que c'est à la haq, ni'ma. قال وعجبا قال شيخ يحيى وعجبا الذي يقرب مني يتغير sans montrer c'est quoi la cause. الآن il a jamais dit تغيرت parce que t'as fait telle chose telle chose. أبدا. Ça montre ماذا الأصل الثاني الولاء والبراء الضيق. L'essentiel, tant que tu te rapproches de شيخ يحيى tu vas changer. ولا وإذا على حق. Léana, nous, nous, on peut lui poser une question. Si Cheikh Yahya est à la batte, limada tu laisses les gens s'égarer, limada tu ne démontres pas. Est-ce que vous avez déjà lu une risala d'Abdurrahman Adani montre les erreurs de Cheikh Yahya? Abadan. Est-ce que vous avez déjà vu un audio d'Abdurrahman Adani, il conseille les frères de s'écarter de Cheikh Yahya pour telle et telle raison? Abadan. Abadan, tu ne trouveras pas. Ses suiveurs, à la fin, la vitna, ils ont démontré des choses qu'ils ont pris de Abu al-Hassan. Des choses, ça faisait des années, c'était fini. Imma Cheikh Yahya est revenu, imma c'est du kadib. Comme on l'a démontré dans les dorous, que reproche-t-il à Cheikh Yahya? قال انا الان اعاتب هذا الاخ وسائل الاخوان عتابا الذي يقرب مني يصير متغيرا. الشيخ يحيى الان il leur montre celui qui s'approche de moi يتغير باي حق. باي حق t'as pas le droit هذا. انا مثلا je t'accuse celui qui t'approche يا فلان il change. Montre les adillah. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قال من تقليب الحقائق ان لم يكن من تقليب الحقائق فما هو اذن أكل من قرب من عبد الرحمن هو الذي على الجادة والذي يقرب مني يتغير ولاء وبراء ضيق. سلوك إصغاب خوش عبد الرحمن إلى على حق. سلوك إصغاب خوش شيخ يحيى على باطل. سهل ولا وبراء ضيق. أبدا. سلوك فان باطل إلى على باطل. سلوك يابلك الحق إلى على حق. إسوا بك شيخ يحيى وبك عبد الرحمن وبك شيخ فلان. سسدي. قال ثم ما الذي جعل دعوتنا منشقة هذا متغير وهذا ما هو متغير. نعم. Pourquoi cette division الآن؟ J'ai remarqué que الآن il y a deux groupes. Celui qui avec Cheikh Yahya il est tel, kada. Celui qui avec Abdurrahman il est kada. Deux groupes. Alors, qui c'est qui a fait ces deux groupes? Cheikh Yahya il est même pas au courant qu'il y a tasjid. Il est même pas au courant qu'Abdurrahman il a hajar des frères. T'as changé. Ah, ensuite ils ont informé Cheikh Yahya. Qui c'est qui a appelé à hada? Est-ce que Cheikh Yahya Wahad il est déjà venu le voir? Au début de la fitna ou pas? Wahad il est venu le voir et lui dit là, t'es avec Abdurrahman Adani, t'as changé. Ah, batten. Ah, batten. Ben il fait une nasiha, là, il essaie de rassembler à la haq. Lakin al-qawm, ils ont un maqsad. Et nous, Al-An, cette risala, c'est Obama il y a 5 ans, 1427, il y a 7 ans. Cette risala, Al-An, il y a 7 ans. Ça a bientôt 8 ans. On est en 1435, là, bientôt 8 ans. Al-An, nous, 8 ans après, 7 ans et demi après, on a vu des hadiths. Et on sait le qas de Ha'oula, c'était quoi? C'était le Furqa et le Hizbi, Yawadiha. Al-An n'est aucun remords, aucune gêne à dire Hizbi, fi Abdurrahman. Il n'y a aucune jeune. C'est une hizbiya wadiha, celui qui a suivi. Qala, al-Sheikh Yahya, hafidahullah, qala, thumma, ammaltu fih, ba'da an dhahab ila dhalika al-makam. Aïe, après que Abdurrahman Adani soit sorti de Dammaj, il est parti à Adam. Sheikh Yahya, il avait encore de l'espoir. Ammaltu. Il avait encore de l'espoir. Qala, wa athar hadhihi al-af'al allati hasalat, wa baqiyat umur wallah. أنا يا إخوان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان لنا نصائح بكل رفق ولين وعبد الرحمن يعرف ذلك صحيح الشيخ يحيى لا با ديزيسبيري دي نصائح avec douceur avec même quand il est sorti de Dammaj بل quand il est sorti de Dammaj نذكر نحن والله الحمد لله تعالى Dammaj الشيخ يحيى لا بدي il est sorti laissez-le inshallah la'alla il est loin la fitna elle se calme la tension elle se calme il revient يعتذر يسكسكوز اون لو باردون اي اون ريبران دعوه سواء لي عدن نو دمج سهل اون اي دي فرير لكن الرجل اللي بارتي عدن و سا سي امبليفي اكثر لي فرير كي ديسون دمج عدن هج تذكرون مساله افيك خليل التعزي يغونت في المسجد في عدن اي سولاف اي لو هاجر يا اخي فوز افيك كلكو شوز ديمونتر قال نعم كنت اخاطبه هكذا يا ابا عبد الله ولا ألقى ولا يلقى لنصائحي لا من قبل ولا من بعد ولا ألقى لنصائحي لا من قبل ولا من بعد هكذا يخاطب يا أبا عبد الله أي بهدوء سكينة أي غفل الشيء انتبه طبعا علينا cette histoire لأن الشيخ يحيى استغفى على الحق Il ne se tira pas, évidemment. S'il faut parler, il parlera. Chérihé, il arrive à ça. Il se connaît. Il sait que si la personne s'égare et il continue à faire cette fourqa, Chérihé, il parlera sur lui. Allez, il essaie. Il essaye. Ya Foulan, entabé. Ya Foulan. T'as quelque chose, t'as vaddan. Amma Rajoula, ou la chérihé. Tout ma qu'a le chérihé. Hakada aïdan. Atta ikhwanana ahla sa'da. وفقهم الله قالوا نريد محاضرات قلنا أخوكم الشيخ عبد الرحمن اذهبوا له شوف خسبة إن على الرجل يغوكون المعروف يغوبيان دي جان سعدة يبين فوق الشيخ يحيى يلو دمان دي محاضرات تعلمون الشيخ يحيى يبوي بقى سعدة سوكي بدار الحديد يبوي بقى إلا غاكون سيئ الشيخ عبد الرحمن قال يبوي عبد الرحمن إن شاء الله يبقى فودوني دي محاضرات قال ويذهبونه ولا دريت إلا وقد حصل منه هذا خليك مع إخوانك الشيخ يحيى ينفوه دي بيرسون فيغ عبد الرحمن بوغ الدعوة اي عبد الرحمن ديك اون بيرسون الفيا غاست افيك تي فخير نو با فيغ فلان سي تو با فيغ الحجوري تا شونجي شوف على مكر قال وهكذا ايضا انت يا فلان تغيرت لماذا ذهبت الى يحيى الشيخ يحيى ينفوه دي بيرسون الفيا يطعن في الشيخ يحيى قال هذا غلط هذا جزائي يا ابا عبد الله الشيخ يحيى الان يبان عبد الرحمن يدي سينيغور هكذا الان لو معروف Toutes ces années, hakada l'an, tu. Al-Jaza. Qala. Al-Sheikh, hafidahullah. Qala, wa ana wallah. Ya ikhwan. Urid lahul khayr. De toute façon, 1427, au début de la fitna. Sheikh, qala, wa ana wallah, ya ikhwan. Urid lahul khayr. Ça, c'est Alain Kursi. C'est enregistré, c'est propagé devant tout le monde. Ourid lahul khayr. Normalement, après ce galam, Abdurrahman, il laisse la porte du khayr ouverte. Il dit, khalas, tayyib, t'as dit ce galam, tu veux le khayr. Inch'Allah, on s'assoit et moi je te propose telle chose. Si Al-Hajouri a des erreurs, démontre. Maintenant, Abdurrahman, il aurait été voir Cheikh Yahya. À cette époque, Cheikh Yahya, il veut le khayr. Il lui dit, ya Abu Abdurrahman, ya Cheikh Yahya, moi je te reproche telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tafattal. Cheikh Yahya, il a appelé Marra. Il a dit, celui qui a quelque chose, Abdurrahman ou autre, il vient me voir. Et il me montre. ولا شيء ولا شيء من بعيد va pas vers الحجوري c'est un كذا c'est un حدادي c'est un كذا قال وانا والله يا اخوان اريد له الخير وبعضهم يشيع اني امرت اخانا المسؤول عن البيوت ان يخرج اثاثه في الشارع واذا بالشيخ الامام الشيخ محمد الامام يتصل لي يقول هل اخرجت اثاثه c'est les choses qu'il y a dans sa maison ses meubles, c'est il a akhir. C'est ça l'athar. Al-Furouch, il a akhir. Chef, là, cette époque, où nous, on était présents à l'Athkur Hada, Ba'adouhoum, ils avaient lancé cette rumeur. Dès qu'Abdurrahman Al-Adani est sorti, ils ont lancé la rumeur que Cheikh Yahya, il a ordonné le responsable des Bouyoud de faire sortir tout l'aménagement de Abdurrahman et le mettre dans la rue. Qu'est-ce bon état de mage, ça s'est jamais passé. Mohamed Imam, il appelle Cheikh Yahya. Ça montre qu'un Nabad al-Nas, ils essayent de faire quoi? التحريش entre Cheikh Yahya et le Mashaïk. Là, Cheikh l'Imam, qui c'est qui l'a informé, il n'était pas dommage. Alors, Cheikh l'Imam, il reçoit un coup de fil, Cheikh Yahya, il a ordonné de faire sortir tous les meubles, tout ce qu'il y a dans la maison d'Abd al-Rahman, le mettre dans la rue. Cheikh l'Imam, là, Cheikh, il va prendre dans son œuf. Là, c'est pas de la Rahma, là. Ou alors, il est parti, ses affaires, Inch'Allah, elles arrivent chez lui jusqu'à Aden. لكن شوف على إشاعة سنغمة pour mettre l'attention فقط يقول أي شيخ الإمام هل أخرجت أثاثة في الشارع الشيخ يحيى يقول قلنا والله لو كان رافضيا ما قلنا له لا أنا ولا إخوانه يخرج أثاثه إلى الشارع الشيخ يحيى يقول والله ولو سا رافضي قادم مات jamais on fera sortir ses affaires dans la rue أبدا il part إن شاء الله ses affaires le suivent et نحن on l'a vu déjà Oasis Pendant la guerre, des espions, des gens mauvais, combien de personnes mauvaises, imma des tekfiri, imma des houthi, imma ils étaient à dommage, quand Cheikh Yahya savait, il lui dit rentre chez toi, prends tes affaires, rentre chez toi. Bel Allah, ba'dahum, il leur donne un temps. Bel ba'dahum, il leur pardonne. Combien de personnes, nous on a vu, des voleurs, des menteurs, ils accusent leurs frères, ils venaient à dommage pour faire des fitaines. Et Cheikh Yahya, il le renvoie, Thomas, il vient, il s'excuse, il lui dit khalas. اطلب العلم اهم شيء اطلب العلم كما لا بينا نحن نودي الان لماذا سكذب بيرسون ا ريبوندو شيخ الامام اوتر لماذا لا سي با فري شيخ يحيى لا جوري اي يا اوكين بروف اون برون تو لي فرير كي تا دماج بيرسون بو تيموني بيرسون بو تيموني شيخ يحيى لا في سورتير لي زافير او الى اوردوني ابدا سي دو كذب قال لكنها دجل هنا وهناك صنع للشيخ عبد الرحمن ويستغلها من قد شنفت آذانهم إليه من أصحاب بالحسن ونحوهم من الحزبيين. Le but c'est ça. C'est de salir l'image de Cheikh Yahya. C'est un monstre. Il a pas de cœur. Il a pas de cœur. حتى les affaires de Abd al-Rahman, il les a fait sortir. Abd al-Rahman al-Adani, il est sorti tout seul de Damaj. Awwalan, Cheikh Yahya lui a dit de ne pas revenir. Tant que la fitna ne se calme pas. Et Thanian, ses affaires, il les a reçues, Abd al-Rahman. Et Abd al-Rahman, il sait très bien que ses affaires, il les a reçues. Lakin l'image, personne ne montre. Le but c'est quoi? C'est de salir l'image de Cheikh Yahya. حتى مرة واحد on vous avait déjà raconté cette histoire مرة واحد il est venu à Dammaj il était venu pour refaire le à Dammaj dans le hadith il y avait des travaux pour refaire le carrelage et c'est une personne il n'était pas d'accord avec Cheikh Yahya dans plein de choses lakin c'est son travail il est venu wallah il a entendu des rumeurs comme quoi Cheikh Yahya il passe il tape les élèves il bouscule Foulan un monstre il est venu il a fait son travail il s'est assis au dars il a vu Ar-Rajul Hudou Cheikh Yahya passe, salam alaikum. Ben ce jour-là, un enfant, il a coupé la route à Cheikh Yahya, Cheikh Yahya s'est arrêté. Il a laissé l'enfant passer, il est passé. Ar-Rajul, il est parti voir Cheikh Yahya, il lui a dit, Wallah, il dit sur toi, kada, wa kada, wa kada, et je témoigne que c'est pas vrai. Anna, j'ai vu de mes yeux. Et rumeur comme quoi il fait sortir les affaires de Abd al-Rahman. Rumeur comme quoi il a aucun comportement. Bardanas, ils ont une image de Cheikh Yahya al-Hadouri, Allah, c'est hakada. من الهمج من الرعاع من les personnes qui sont dans la rue qui ont aucun comportement هكذا اهل الباطل ils essayent de salir l'image والدليل على هذا ان المشركين ils ont essayé de salir l'image du prophète عليه الصلاه والسلام c'est un مجنون c'est un ساحر il essaye de diviser هكذا حتى بعض الناس مره واحد il est venu في مكه et il est venu pour faire ruqya au prophète عليه الصلاه والسلام il lui a dit ya mohammed inni raqi il lui a dit ya mohammed je fais ruqya je peux te soigner il a entendu les rumeurs elles sont rentrées dans son cœur. Hakada, ils font pour salir l'imam. Cette personne, un, il avait du khayr. Il vient à Mecca. Lakin, vu qu'il a entendu ces rumeurs, il y croit. Et il est venu voir le prophète sallam, il y a Mohammed, je vais te faire ruqya. Al-Rasul sallam, il lui a dit, Inna alhamdulillah, inahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiru, khutbat al-haja. La personne lui a dit, répète ya Mohammed. Le prophète sallam, il a répété, répète ya Mohammed. Il a répété, il a tendu la main, il lui a dit, je te fais le bay'a. Hakada, cette personne, un, il a entendu des choses sur Cheikh Yahya, il est venu sur place, il a vu. C'est pas sahih. C'est pas sahih, abadan. Kada avec ses élèves. Bardo me dit, ses élèves, ils ont du rouleau, ses élèves, ils ont kada. On rencontre nahnou katir min al-nas. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bardo al-nas, ils pensent qu'on parle que des vitaines, on est kada. Ya jama'a, on a un dhaf, nasallah subhanahu wa ta'ala, et nous facilite. Bardo al-nas, ils pensent qu'on fait kada, on dit kada. Abadan. Kadib. Lakin. الموعد يوم القيامة pour celui qui ment et qui fait pas de tawbah. ثم قال الشيخ حفظه الله بالله عليكم عند الدليل نحن الآن طلبة العلم لو قلت يا فلان قم من الحلقة أنا ما أريدك تبقى في حلقتي حرام علي هذا شيخ يحيى الآن يغمض ولو أنا je renvoie واحد je lui dis إن شاء الله tu viens plus dans mon masjid c'est pas haram علي c'est pas haram quand même c'est lui le responsable Cheikh Mokbel il a choisi. Il a le droit de dire à Foulen là, tu restes pas ici. Il a le droit. Il voit une maslaha, il voit une chose, il a le droit. C'est pas haram alay. Abadan. Abadan. Et il rapporte la parole de l'imam al-Nasa'i. قال كان يقول الإمام النسائي أناشد الله من كان ماجنا أن يقوم من حلقتي. L'imam al-Nasa'i كان يقول هكذا. C'est son haq. C'est son masjid. Maintenant moi dans mon bayt chez moi, j'ai le droit de dire à une personne. Barakallahu fik sort. C'est mon haq, j'ai le droit. Rubama yan maslaha, rubama j'ai vu une chose, j'ai entendu une chose, je sais une chose que les autres ne savent pas. Wahad il vient, il me dit Ya Foulan, pourquoi t'as fait sortir Foulan de chez toi? Alhamdulillah, il viendrait, il me demanderait. Et je lui explique Là, Haoula, il ne demande pas, par derrière. Al-Hajouri, Al-Hajouri. Qala Fa kayfa idha hasalat minhu hadhi al-umur, wa qultu lahu idhab. Furqa, tasjil, ta'ab, hajr. Cheikh Yahya, il a quand même le droit. عبد الرحمن عدني اللي بارتي عدن دو لو دير نو ريفيان با حقكم الا في لا فرقه المشايخ يزون اكسبتي كونت سون نيا دماج كوم اون ا لو في البرهان المنقول قال الزجل على إيش؟ ما هذا التشويش؟ ما هذا التعصب؟ وهو راضي به راضي به. لأنه il ne voudrait pas, il aurait répondu, il a dit là, il faut voir ce qui se sabab. Et on laisse la furqa, لكن il faut voir ce qui le sabab. صلى الله عليه وسلم. قال وكلمت بعض الإخوان وقلت قولوا له حتى هناك ما يصلح أن يسمع مثلا أن المسجد الفلاني في عدن مع فلان والمسجد ذاك مع فلان حتى كنت لدى عدن الشيخ يحيى العبد الفخير الذي لدى عبد الرحمن في بات فرقة سمجد إليك الحجوري سمجد إلى أبيك موا سمجد لا يجوز شيء كان حق للموت لكن لا فرقة عدن أصنع أدم ما جو ديبا ثم أن أوروب أوز إتازوني أن أزي في كل مكان لأن الرجل ديبا إلا با فولي إتاندر سو فو دو ست فتنة نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شره ويهديه إلى أن قال شيخ يحيى نكونكلو افيك هذا قال إن كان يريد الخير لنفسه وهو كذلك إن شاء الله ونرجو ذلك شوف شيخ يحيى الآن ليش نبورت اوفيرت يا ستون هذا يا عبد الرحمن إلى لو إلى أنتوندو هذا لا شك سو كلام إلى منشور دي زوجو سوغ انترنت سيت ملزما إلى إمبريمي قال إن كان يريد الخير لنفسه سي فو لو بيان بور لو ميم وهو كذلك إن شاء الله حسن الظن أو ديبار إلى فانكور حسن الظن شيخ يحيى إلى دي إن شاء الله لو يفو الخير قال ونرجو ذلك اي اون اسبير هذا قال نسأل الله لنا وله التوفيق هذا مختصر ما يتعلق بتتمة النصيحة لكلام أخينا سعيد نعم لأن الشيخ سعيد دعا سو جوغ لا il avait récité une poésie, une nasiha, pour ceux qui font la furqa ila akhire. Et Cheikh Yahya, juste après, il a pris la parole. Falihada, il a dit, bitatimmat nasihat li kalam akhina sa'id. Et nahnu, alhamdulillah, on a lu le Burhan al-Manqoul et on conclut avec ce kalam. Qala akhuna sa'id, waffaqana Allah wa iya, wa rahimahullah. Wa iyaakum jami'an, walhamdulillah. Sujilat hadhi al-madda, laylat al-jumu'a, الثاني عشر شوال 27,400,000 في دار الحديد بدمج نعم هذا qu'on voulait montrer أن موقف الشيخ يحيى au départ c'était هذا أما qu'est-ce qu'il va faire des personnes il l'insulte يطعنون فيه il l'accuse ما له إلا يدافع عن عرضه وعن الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقال فالحق تلغط فغلي لا يجوز واحد يتدي تتوى لا C'est un haq, birifq, bihikma, bi'in, t'as le droit. Inna li sahib al-haq, maqal. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq, was-sadat, subhanak Allahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj, afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين